France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 88. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 30 septembre 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine dans Panique au Mangin Palace, tu es Golden State, tu es gros hamburger végétarien, tu es Jim Morrison à Venice Beach ou Tippi Hedren à Bodega Bay, tu es industrie de pointe dans la Silicon Valley ou pointe siliconée à Malibu, tu es Metro Goldwyn Mayer et tu es aussi... La Californie d'aujourd'hui est une espèce de fourmilière. On s'y agite beaucoup, on y construit beaucoup. Hollywood est en train de devenir une banlieue. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es californien et tu es au bout de la route 66. Alors, au cas où certains ne l'auraient pas vu, le très discret président Sarkozy était à New York cette semaine. Et bien entendu, la panique voulait le suivre pour savoir comment il allait sauver le monde. Mais pas de bol, au moment de l'embarquement à Roissy, on s'est gouré d'avion. Résultat, on s'est retrouvé à Los Angeles. Et c'est pourquoi, dans l'urgence, la panique au Mangin Palace a donc immédiatement décidé ce matin, durant 53 minutes, de t'offrir une version Technicolor de la côte ouest des States. Et pour commencer justement, de Cécile B2000 aux blockbusters bien débiles, nous te proposerons une petite histoire de ce quartier si particulier qu'est Hollywood. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble de te montrer en quoi la Californie est une authentique contrée de curiosités. On enchaînera d'ailleurs en redécouvrant un mode de vie comme seuls les résidents de Santa Barbara savent nous en offrir. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons cette extraordinaire virée nocturne de président Sarkozy et de Brice Hortefeux à la recherche d'Arnold Schwarzenegger dans la Cité des Anges. Et enfin, il faudra te raconter les projets d'Elsa, la fille de Jean-Claude et Monique, qui n'a plus qu'un seul but dans la vie désormais, devenir Britney Spears, starlette à Beverly Hills. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et pour ce midi, c'est le cheeseburger ou Los Angeles. Baby, can't you see? Down. toxique. C'est ce qu'a découvert en 2003 la nymphette Britney Spears au cœur des nuits déjantées d'Hollywood. Résultat, quand elle n'a pas sa dose de toxique désormais, elle transpire, Britney. Alors ce matin, la panique en direct du Morgin Palace a donc décidé de traverser à nouveau l'océan Atlantique pour se rendre cette fois-ci sur la côte ouest des États-Unis. Et pour commencer cette émission californienne, il est nécessaire de s'attarder, durant quelques minutes, sur le quartier le plus hallucinant de la cité la plus imposante du 31e état des States, à savoir Hollywood. Et figure-toi que le cœur de l'industrie cinématographique est né dans une ferme il y a un peu plus d'un siècle. En 1883, un magnat de l'immobilier, Horace Wilcox, accompagné de son épouse, arrive à Los Angeles. Ils acquièrent un grand terrain qu'ils mettent en vente par lot sous le nom de Hollywood. Cette zone se compose au départ de terrains en friche et de grandes étendues d'orangeraies. La région présente de nombreux avantages. Des possibilités immobilières intéressantes, une main-d'œuvre abondante et bon marché, des lois moins contraignantes qu'ailleurs, une grande variété de paysages et surtout un ensoleillement quasi constant. Ultime frontière de l'Ouest américain, la Californie voit défiler au début de ce siècle des conquérants d'un nouveau genre qui vont transformer un petit village en capitale mondiale du cinéma. Eh oui! Le joli bois de Houx attire très vite les pionniers du cinématographe qui quittent New York pour faire eux aussi leur ruée vers l'ouest. En 1908, un producteur de films, le colonel William Selig, envoyait en Californie la première équipe de tournage. Les collaborateurs du colonel Selig furent immédiatement conquis par le soleil californien, par les paysages, par le folklore qu'ils découvrirent dans cette contrée lointaine. Bientôt, d'autres compagnies vinrent s'installer sous le ciel californien et plus particulièrement la compagnie Bison. William Selig installe donc en 1908 le premier studio permanent de cinéma à Hollywood et se spécialise dans les productions marquées par la présence de nombreux animaux. D'ailleurs, les studios de Selig deviennent un véritable zoo, un parc animalier dans lequel Louis B. Mayer, l'homme de la métro Goldwyn-Mayer, trouve le lion Jackie, dont il fait la mascotte de la MGM. Ainsi, en quelques années, Hollywood devient le cœur du cinéma états-unien. En 1913, Cecil B. DeMille y tourne le premier long-métrage hollywoodien et en 1915, avec Griffith, c'est la naissance d'une nation. Mais l'industrie cinématographique, alors en pleine expansion, reste très contrôlée. Avec par exemple le fameux code EYES. Et oui, dans l'entre-deux-guerres, la censure s'installe à Hollywood et impose ses visées morales et patriotiques. Pendant presque la moitié du film, la poitrine de cette dame, qui est une nature généreuse et proéminente, se trouve scandaleusement dénudée. C'est la raison pour laquelle j'en conclus que ce film ne peut être d'intérêt que pour un public lascif et me vois obligé de lui refuser l'approbation de l'association pour son exploitation. Merci, Monsieur Breen. Monsieur Hughes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Breen, je suis heureux de vous revoir. La dernière fois, c'était lors de la séance autour de la violence contenue dans Scarface. Et aujourd'hui, le débat tourne autour de la poitrine de Mademoiselle Russell. Monsieur Breen estime qu'elle est trop proéminente, c'est ça. Je compte dissiper ce malentendu. Mais enfin, Monsieur Hughes. Enfin, Monsieur Hughes, le producteur du premier Scarface et l'aviateur de Martin Scorsese, a réussi, comme ses collègues hollywoodiens, à contourner quelque peu la censure, à l'aide d'allusions et de métaphores habilement choisies, genre un train qui rentre dans un tunnel, quoi. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la politique qui s'invite à Hollywood. Ainsi, en 1946, quand Léon Blum et Jean Monnet demandent aux États-Unis de renégocier la dette immense de la France, la réponse du président Truman est très simple. Il accepte la liquidation d'une partie de la dette et accorde même un nouveau prêt dans des conditions avantageuses, mais à une seule condition, ouvrir complètement le marché cinématographique français aux films américains. La guerre froide commence donc en Technicolor. Et quand un G.I.'s revient en France après avoir participé au débarquement, c'est pour créer une usine de chewing-gum au goût de propagande. La fraîcheur de vivre à Hollywood, ce n'est pas ce qu'ont pu dire les victimes du McCarthyisme dans les années 50. Ainsi, Charlie Chaplin est forcé de quitter Hollywood et quand en 1972, Charlot revient pour recevoir un Oscar d'honneur, c'est avec un visa temporaire, dis donc. Et oui, l'usine à rêve dérape parfois sérieusement. Mais bon, rassure-toi, dans l'ensemble, la machine est très bien rodée. Moi j'aime bien voir les films américains parce qu'il y a plein de musique, alors tu pleures, t'es ému dans les films américains. Ils sont forts les américains parce que des fois ils te filment des trucs qui sont pas très émouvants, mais avec la musique tu pleures. Ils peuvent te filmer un môme en train de se brosser les dents, tu peux pleurer, je te jure. Les mecs ils arrivent comme ça devant la caméra et... You know red is for... You know I harbak my life. C'est comme ça qu'ils pleurent dans les films américains. Je pleure en anglais, là. Faire pleurer en anglais, c'est d'ailleurs parfois le rêve presque irréel de certains acteurs français qui s'imaginent quitter les petits écrans franchises pour les blockbusters hollywoodiens, genre Christophe Lambert. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Et c'est ainsi que certains petits Français comme Simone Signoret, Juliette Binoche, Charles Boyer ou Maurice Chevalier ont vécu le rêve américain d'être oscarisés. Parce qu'ici encore, tout est question d'échelle. Quand tu sors un film en France, c'est pour 64 millions de spectateurs. Mais aux States, on table tout de suite sur 300 millions, sans compter les habitants du reste du monde. Un business du rêve, comme dans un film de la métro. Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Les bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se damnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G des petites jeans. Allez, allez! Comme dans un film de la métro, le soleil s'est couché dans l'eau après un dernier coup de chapeau au bateau plein de Roméo. Les rockers calcinés grimaces tombant en cendres dans le soir. Les jeunes filles les ramassent en souvenir dans leur mouchoir. À Alors la nuit tombe en beauté sur les robes de taffetas des mégères apprivoisées qui vont danser le tcha-tcha-tcha. Qui vont danser le tcha-tcha-tcha. Qui vont danser le tcha-tcha-tcha. Qui vont danser le tcha-tcha-tcha. La métro. C'est l'hommage rendu par Brigitte Fontaine au célèbre studio Made in USA, car même si parfois on tire à vue sur les super productions, on ne dira jamais trop « Fontaine, je ne boirai pas de ton Hollywood ». Alors, la clepsydre du Manchin Palace nous indique qu'il est désormais 11h20 et après avoir brièvement retracé l'histoire du légendaire Hollywood, il est essentiel dans les minutes qui viennent d'essayer de chercher à comprendre les spécificités de la population californienne. Mais avant d'aller plus loin, mon ami, recueillons le point de vue de Jean Renoir à ce propos. Eh bien, cette Californie, qui est tellement brillante et tellement pervertie dans l'imagination des gens qui habitent loin de Hollywood, en réalité est un endroit où le genre de vie qui se pratique est un genre de vie extrêmement familial. Cette vie brillante et apparemment débauchée n'est brillante et débauchée que pour vraiment très peu de gens. Eh oui, la Californie d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle de Maxime Le Forestier. Que sont devenus Sylvia et Luc, les deux beatniks là qui squattaient la Maison Bleue? Eh bien, le week-end, ils vivent à Bolinas, un petit village paumé au nord de San Francisco, où ils organisent en famille quelques pizzas pepperoni parties. Mais il faut savoir que, durant la semaine, notre couple de hippies s'installe à Palo Alto, dans la Silicon Valley, où ils se déchirent toujours la tête, mais au service désormais de la pieuvre tentaculaire qu'est Google. En gros, ils amassent un paquet de pognon afin de pouvoir payer les frais de scolarité monstrueux de leur môme, inscrits à l'université de Berkeley. Ainsi, comme le disait Jean Renoir à l'instant, les Californiens d'aujourd'hui ont un mode de vie très familial. D'ailleurs, à ce propos, même les rappeurs de Los Angeles, tels le Dr. Dre, adorent leur maman désormais. Et bien sûr, il ne viendrait à l'idée de personne de leur reprocher de faire du business grâce à leur mère. Après tout, il fait son biz, j'ai rien contre cet homme. Je demande simplement que personne ne s'étonne. Si tu crois que je déconne, bah tu feras dans ton froc. Comme tous ceux qui croient pas, au petit coup de motherfucker. Un petit coup de motherfucker. Motherfucker. The bitch please motherfucker. Yeah. The motherfucker name. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Un petit coup de motherfucker. Motherfucker. The bitch please motherfucker. Yeah. The motherfucker name. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Motherfuck. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on pourrait traduire par « Maman, je t'aime ». C'est très à la mode en ce moment, tout autant que les animaux de compagnie, figure-toi. Et oui, en Californie aujourd'hui, la vie de famille consiste également à bichonner un clébard ou un piaf. Et tu n'imagines pas à quel point la présence d'un animal de compagnie peut être cruciale dans la vie d'une Californienne. Pour terminer, un conseil aux messieurs. Méfiez-vous des perroquets. Ils pourraient témoigner contre vous dans une affaire de divorce. Du moins en Californie, où un grave magistrat vient d'entendre Madame Martin lui tenir ce curieux propos. Monsieur le juge, mon perroquet pourra vous le dire. Mon mari ne répond jamais quand je lui adresse la parole. Et depuis 25 ans, je dois lui dire à tout moment, tu m'entends Albert? Effectivement, le perroquet interrogé n'a su répondre que cette seule phrase de lui connue, tu m'entends Albert? Le pauvre Albert, taxé de cruauté mentale, continuera désormais sa cure de silence dans la solitude. Mais peut-être, le soir à la veillée, Madame Martine et son perroquet évoqueront le passé. Tu m'entends, Albert? Mon petit perroquet vient de San Francisco. Il est vert devant et rouge dans le dos. Mon cousin Pablo m'en a fait cadeau. Un jour que le vin lui collait chaud. Oui. Sache qu'en Californie, tu croises de drôles d'oiseaux. Des vétérans de la guerre du Vietnam schizophrènes, par exemple, que Ronald Reagan avait expulsé des hôpitaux pour faire des économies lorsqu'il était gouverneur de cet état à la fin des 70s. Tu rencontres également des prédicateurs évangélistes totalement illuminés ou encore les habitants de Coulterville, ce petit village figé à l'époque du Far West. Et que dire alors des fanatiques du muscle galbé? Car ça, de San Diego à San Francisco, le sport guy, on adore. Interception de Dragic. Oh, le dunk de Bellinelli. Showtime, messieurs, dames. Oh, il nous a fait du Magic Johnson, là. Regardez, ballon volé. Il part vers le sac. Hop là, tu la vois plus. Et le petit shoot en reverse. Il est à droite et il est gaucher. Bon, alors là, je comprends bien que certains d'entre vous puissent être en pleine désillusion. En effet, tu apprends ce matin qu'en Californie, l'esprit des beatniks aurait totalement disparu et qu'il aurait été remplacé par un esprit de famille à 3 cents qui n'aurait que 3 obsessions, celle d'empocher un max de dollars, puis de prendre soin d'un pauvre clébard et enfin d'éviter de faire du lard. Certes, tout cela n'est pas très excitant, mais alors qu'en est-il, mon ami, du Star System, l'une des charpentes essentielles du rêve californien? Eh bien, là encore, c'est mal barré. Les people, oh, ont des têtes de gondole, chantent, chantent comme des casseroles. Les people, oh, dansent dans la neige et l'alcool, ils sont tous devenus folles. Au final, que reste-t-il du célèbre esprit californien? A priori, pas grand-chose. Car si c'est Paris Hilton qui doit remplacer Jim Morrison dans le cœur des ados, ça fout franchement la trouille. Encore que, il subsiste heureusement un truc essentiel en Californie, l'esprit de contestation incarné par Nancy Pelosi, députée démocrate californienne et farouche opposante à W. Bush. Une femme qui connaît ses classiques beatniks, tout comme Henry Miller d'ailleurs. Il y a un homme qui s'appelle Kerouac, qu'on appelle un beatnik, mais je ne crois pas qu'il est un vrai beatnik. Il est un écrivain, il a des dons, des pouvoirs. Et il a des disciples aussi, n'est-ce pas? Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Alors maintenant, toujours sur la route number one, et dans l'espoir, bien sûr, d'enrichir notre enquête approfondie sur le mode de vie californien contemporain, nous avons décidé ce matin de te présenter une tranche de vie quotidienne des résidents inconnus de Santa Barbara. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stephen. T'étais-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stephen. Stephen, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir? Je veux en venir que si j'ai agi de la sorte, c'est que... C'est que quoi? C'est que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Ça te barbera, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Tu me parais soucieuse, Véronica. Est-ce que par hasard tu aurais des soucis? Ou des problèmes qui te font faire du souci? Non, Philippe, je n'ai aucun souci. Continue de jouer, s'il te plaît. Ça me fera oublier mes soucis. Tu joues merveilleusement bien, tu sais. Bon. Question d'entraînement et puis peut-être aussi parce que je t'aime. Tu sais bien que c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Mais tu sais très bien que je viens de quitter Marc pour Andrew et que j'aime encore Peter et Julianne et Robert et Stéphane et Stéphane. Et puis, que dirait Jonathan dans tout ça? Et puis, tu oublies ton mari. Harrison? Mais non, Pepito. Arrête de me faire souffrir inutilement. Tu oublies que je suis sensible. Je crois que je suis amoureuse du vieil oncle Philibert. Oui, mais c'est plus fort que toi. Ça. Regarde ça. Stephen. Ouais. excuse-moi, mais dire que j'ai failli me fâcher avec toi pour une bêtise. C'est pas grave. Mets ton maillot et rejoins-moi à la plage. On the way to the bidet is when the trouble used to start. It didn't mean she wasn't queen of the tinder box that was his heart. Her fire, his desire meant that everything must come undone. And so now we know that it's not enough to be in love. Not enough to be in love. Not enough to be in love. He's so true, she is too. She says, I love you, Frank. And then they drank all night. What a fight. He says, it isn't me you're thinking of. She's cool, it makes him cruel. Frank and Hava, un titre en l'honneur de ce couple mythique d'Hollywood interprété par Suzanne Vega, descendante directe d'un autre héros californien, Don Diego de la Vega, bien sûr. Alors, pour prolonger notre road flânerie sur les routes de la Californie, la panique au Mangin Palace va te révéler maintenant cette étrange aventure qu'ont vécu Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux cette semaine aux States. Comme tu l'as sans doute remarqué, président Sarko a fait son show à l'ONU. Mais ce que la presse française ne t'a pas rapporté, c'est sa virée nocturne sur la côte ouest, chaudement recommandée par Johnny, notre rider d'ici. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez San Francisco, vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien. Ainsi, tels Saul Palvadaiz et Dean Moriarty, Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux sont partis pour la Californie. Mais bon, pas avec la route 66, hein. Ce fantasme de hippie gauchiste, merci. Et puis, pas vers San Francisco non plus, ce repère d'opposant à George Bush, là. Non, c'est direction Los Angeles et en avion, mon vieux. D'ailleurs, dans leur Boeing, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy ont été enchantés par le repas que leur a servi l'hôtesse. Des hamburgers. Sois judicieux, ça fait une nutrition parfaite. Tu permets que je goûte ? Mm-hmm. Ça, c'est un excellent hamburger. Il y a quoi là-dedans? Du Sprite. Du Sprite. Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça? Allez-y. Ça fait du bien par où ça passe. Ça fait du bien par où ça passe. Sauf que voilà, le soir même, une fois arrivé à LA, à peine descendu de l'avion, pour Brice Hortefeux, sous le soleil de Californie, la vie américaine se révèle moins facile. Ça, c'est le hamburger, ça. J'arrive pas à le digérer. T'avais raison, on aurait dû prendre une wish, Lauren. Moi, je suis sûr qu'on dit quiche, enfin. Bon, hein. M'emmerde pas avec tes histoires, je te dis que j'ai mal au bide. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Ben, excuse-moi. Excuse-moi, mal au bide, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Il faut que j'aille chier, rapidos. Mince alors. Une grosse tension s'installe entre Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux qui, heureusement, se dissipe quand les deux jet-setters se trouvent installés dans un bar le temps de choisir où ils allaient passer leur soirée. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rasoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du lait plus. Lait plus Vélocette, ou Saint-Émesque, ou Drinkron. Nous, on en était au Drinkron. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. En effet, une bonne petite fête se prépare car Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux ont décidé de passer leur nuit au Playboy Mansion, la boîte mythique de Hugh Hefner à Los Angeles. À peine arrivé sur place, chez Hugh Hefner donc, le petit Frenchie Brice Hortefeux se sent aussi à l'aise que place Beauvau. Salut Bryce. Salut Bryce. Salut les Bee Gees. Ça farte. Ça farte. Ça farte. C'était une live. Salut Bryce. Salut Véronique. Voilà. Ouais, quand je te vois, oui. Je te présente ma cousine. Bonjour. Salut. C'est toi, à la glisse? Je t'en prie, Miss. Appelle-moi Brice. Moi, c'est Gladys. La reine du Kiss. Waouh, mais que fait la police? Mais que fait la police? C'est ce que se demande Brice Hortefeux quand il aperçoit, affalé au bar de la boîte de nuit, cette cruche de Paris Hilton. Elle semble complètement ivre alors qu'elle sort à peine de prison après avoir été arrêtée pour excès de vitesse et conduite en état d'ivresse. Mais Nicolas Sarkozy, un peu excité, comme à chaque fois qu'il se trouve à côté de millionnaires, aborde Franco, la belle héritière. Je suis pas timide, tu sais, j'impose mon style, viens sur la piste, bébé. Ce soir c'est ta soirée, tout le monde est chaud, oh oh, ambiance au top niveau. Les filles enlèvent le haut, ce soir on va pécho. Je suis pas timide, tu sais, j'impose mon style, oh. Viens sur la piste, bébé. Ce soir c'est ta soirée, tout le monde est chaud, oh oui. Oh, oh, ambiance au top niveau. Les filles enlèvent le haut. Comment? Ah oui, vraiment, dans cette boîte de nuit californienne, il est chaud bouillant, président Sarkozy. Mais Brice Hortefeux, se sentant soudain l'âme d'un bodyguard du corps, conseille à Nicolas Sarkozy d'être un peu plus calme. Cela n'empêche pas Nicolas de revenir vers Paris Hilton. T'as cru que c'était fini, hein? Eh ben non! Come on! Ton string dépasse, c'est toi qui as la classe. Style efficace, les bad boys dans la place. Ouais, gros. Sois pas vilaine, donne-moi ton MSN. Oui. J'aime quand tu danses, y'a tes fesses qui balancent. Come on! Dans la boîte de nuit de Los Angeles, tout le monde a bien compris quel était le message californien, bien sûr, de Nicolas Sarkozy. Du coup, Paris Hilton n'hésite plus à s'exprimer librement. Mais quelle insolente, cette peste de Paris Hilton! Ce n'est pas tolérable, des trucs comme ça! Nicolas Sarkozy est choqué. Depuis président Chirac, personne ne lui avait parlé aussi mal. Brice Hortefeux lui fait tout pour écarter immédiatement la prétentieuse jet-setteuse. C'est alors qu'intervient celui que personne n'attendait, Arnold Schwarzenegger lui-même. Le robotique gouverneur de Californie, reçu en juin dernier à l'Élysée par Nicolas Sarkozy. Tout de suite, un dialogue s'engage entre les deux hommes. Écoutez, moi j'ai été élu par les Français pour trouver des solutions aux problèmes de la France. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. On m'a élu pour trouver des solutions. Ma mission est de te protéger. Comment il fait? 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici, dans cette époque. Oui, alors peu de personnes n'y comprend rien. C'est extrêmement compliqué. Je suis un Terminator. Bon, ben alors qu'est-ce qu'on propose ? J'ai des fichiers très détaillés. Écoute, c'est extraordinaire. Mon nom a été sali. Pourquoi vous pleurez ? On m'a fait un faux compte. Avec des faux firmes. Tu pleures quand tu as mal ? Dans une banque dont j'ignorais tout. Il faut vite la détruire. J'ai une commission rogatoire internationale pendant 15 mois sur le dos. Il a fallu que je démontre à la justice de mon pays que je n'avais pas de compte. C'est commode. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Vous trouvez que c'est commode ? J'ai besoin de vacances. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, se dit Nicolas Sarkozy qui s'interroge. Oui, il aurait peut-être été plus efficace pour sa popularité de faire de la musculation plutôt que du jogging. Mais bon, le temps passe. Et il est grand temps déjà pour les deux Frenchies jet-setters de rentrer à New York pour un nouveau discours à l'ONU. C'est alors que dans l'avion qui les ramène sur la côte Est, Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux font le bilan de leur escapade à L.A. Et voilà, c'est ainsi que se termine, entre fiction et dérision bien sûr, cette nuit étrange qu'ont vécu Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux en Californie. Oui, une expérience à revivre dans l'espoir docile de deux ailes d'avion fragiles vers une divine idylle. C'est ce qu'incarne Vanessa Paradis et son Johnny Depp, l'acteur ricain qui crève l'écran, puisqu'idylle du divin californien, bien sûr. Bon, maintenant que notre pendule électronique nous indique qu'il est 11h44 à Paris, mais 2h44 à Los Angeles, il est grand temps désormais de retrouver les aventures de nos deux stars hollywoodiennes locales, Santa Monica et Jean-Claude. Eh bien, figure-toi que depuis quelques mois, Elsa, la fille de Jean-Claude et Monique, s'est prise d'une soudaine passion mimétique pour Britney Spears. Au départ, il s'agissait simplement pour elle de se saper comme la starlette de Los Angeles. Monique avait tout de même empêché sa fille de se raser la tête. Et puis par ailleurs, Elsa chantonnait parfois dans sa piole quelques tubes devant un miroir, en gros rien d'inquiétant ni d'extraordinaire. Jusqu'à ce que Jean-Claude s'en mêle, puisqu'après avoir entendu sa fille chanter, il est persuadé qu'il tient enfin le moyen de faire fortune. Oui, telle Britney Spears, sa fille Elsa va devenir une star à Los Angeles. C'est ainsi que lundi soir, à la sortie du lycée, Elsa a dévoilé à ses copines le document que Jean-Claude a dégoté pour elle. Le label Slide Records organise une audition. Et alors ? Et alors, je pars dimanche à Los Angeles. Toi, tu vas aller en Californie passer une audition pour signer avec un label. Ouais. T'imagines quand même pas que tu vas percer dans ce métier avec le bide que t'as ? C'est de la voix qu'il faut, Kit. Et comment tu comptes y aller ? J'ai trouvé un mec. Quoi ? T'es inconsciente. Tu vas aller toute seule à Los Angeles avec un mec que tu connais pas. Alors venez avec moi. Moi, je chanterai et vous vous ferez les cœurs. Évidemment, le mec en question, c'est Jean-Claude. Mais bon, pour Elsa, c'est trop la honte d'avouer que c'est son daron. Toujours est-il que Monique est folle furieuse après Jean-Claude au sujet de ce projet débile-là. Par ailleurs, elle fait remarquer à Jean-Claude qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à Los Angeles pour devenir une icône. Elle-même, Monique, constate bien souvent que... Partout où j'apparais, j'affole les hommes. Sex, sex, sex. Ils sont plus collants que du chewing-gum. Sex, sex, sex. De plaire autant, moi j'en ai ras le bol. Y a pas de doute, je suis un sexe symbole. Mouais, Jean-Claude demeure dubitatif et trouve cette crise de jalousie de Monique un peu grotesque. Alors il tente de lui expliquer pour quelles raisons il partage avec Elsa cette attirance pour la Californie. J'avais 17 ans et dans ma chambre j'écoutais l'après-midi toutes les musiques que j'aimais. Et de temps en temps, quand une fille restait chez moi jusqu'à minuit, entre ses bras le temps passait, et je lui parlais du ciel bleu de Californie. Elle me regardait et l'on rêvait d'une autre vie, avec un disque, une chanson. C'était sur une musique américaine qu'on dansait tous les deux, mes doigts dans ses cheveux. Oui, bon ben Monique demande à Jean-Claude de lui épargner ses souvenirs à la con là. Enfin, quoi qu'il en soit, Monique s'interroge tout de même pour savoir qui va payer ce déplacement exorbitant à Los Angeles, bon sang. Jean-Claude lui répond que de toute façon, rien n'est fait puisqu'il y a une audition de présélection demain après-midi à Paris. Jean-Claude et Elsa ont donc pris la route tôt ce matin en direction de Paname. Elsa sèche les cours, mais bon, puisqu'il s'agit de devenir une star à Los Angeles, il faut au moins ça. Ils viennent de s'arrêter à une station-service et Jean-Claude, tel un Californien, interpelle la caissière. Elsa trouve son père ridicule et lui ordonne d'arrêter immédiatement son cirque. Il faut reprendre la route sur la 6 avant de se mettre en retard pour l'audition. C'est alors que sur le trajet, Elsa confie à Jean-Claude ce qu'elle imagine quant à son avenir californien. Moi, ce que j'aimerais, c'est jouer dans une comédie musicale. Un film où je chanterais des chansons un peu déglinguées, différentes. Ça, ça me plairait. Ça marchera jamais. Non ? Non. Moi, ce que je vise, c'est la grosse distribution. Il faut tout focaliser on the product. Et quel product ? Bah toi. Moi ? Ouais, je vois ça d'ici. La petite pouilleuse de l'Ouest, sortie de son trou à rats pour aller tutoyer les étoiles. Ça, ça va faire pleurer dans les chaumières. Tu vois, c'est ça que les gens aiment bien. Ils veulent des larmes, ils veulent du drame. Et on va leur en donner. Ouais, mais c'est un peu con comme raisonnement. Tu sais, le show business, ça n'a rien d'intelligent. Hein. S'il y avait des prix Nobel dans le showbiz, ça se saurait. Moi, ce que je suis en train de te parler, c'est de réussite. C'est pas de chanson. Moi, la musique, je m'en bats les couilles. En effet, Jean-Claude a une idée très claire de ce qu'il envisage pour lui à Los Angeles et accessoirement pour sa môme. D'autant qu'en arrivant au Palace Parisien où a lieu l'audition, Jean-Claude rencontre alors Mademoiselle Line, la directrice de casting qui organise la présélection européenne. Et là, lorsque cette femme chevronnée lui raconte quelques souvenirs californiens, Jean-Claude prend immédiatement conscience du monde merveilleux qui pourrait bien s'ouvrir à lui sur les hauteurs de Beverly Hills. Il y a une chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, ce sont les parties. C'est-à-dire que tous les soirs, si vous voulez, vous pouvez assister à une partie, c'est-à-dire des réceptions chez des gens. Ils sont ravis de vous recevoir. On invite tous les amis pour vous montrer les invités français ou les choses comme ça. Et quand j'étais à Hollywood, je me souviens, Danny Kaye avait fait une soirée pour Loulou et pour moi. Et chez Danny Kaye, évidemment, il y avait Marilyn Monroe, il y avait Kurt Douglas, il y avait Frank Sinatra, Suzanne Ward, Shelley Winters, Bob Hope. C'était merveilleux, j'ai passé une soirée magnifique. Oui, certainement, on s'excite Jean-Claude. Mais dites-moi, Pamela Anderson, la chaudasse là, elle vient en maillot de bain ou pas? C'est alors que Mademoiselle Line s'éloigne poliment du Jean-Claude et lui dit qu'ils se reverront sans doute à Hollywood. Euphorique, Jean-Claude se précipite vers le bar du palace et commande une tequila sunrise, un peu comme une mise en bouche. Et pendant qu'il déguste son cocktail, Elsa, de son côté, se présente à l'un des impresarios du label californien. Je chante, je joue de la guitare, je compose, je fais mes costumes et j'écris. J'écris tous mes textes, hein, toute seule. La plupart du temps, j'écoute les gens discuter entre eux, je chope des bouts de phrases à droite à gauche, je tricote un peu et hop, la chanson, elle est là. J'imagine, vu le niveau, ça doit être... hein, hop. D'autres fois, il suffit que je me lève de bonne humeur. Un peu de soleil et l'inspiration vient toute seule. Mmh. Ouais. Je parle trop. Excusez-moi, c'est la première fois que je vois un impresario. Oh. Ça me rend un peu nerveuse. Ah, mais du tout. Non. Relax. Vous vous débrouillez très, très bien. Hein. Mmh. Vous savez, un impresario, c'est un homme comme les autres. Hein. C'est alors qu'à 18h30, arrive le moment fatidique de l'audition. Jean-Claude est installé dans la salle, fébrile. Il attend le tour d'Elsa en compagnie d'autres parents. Ça y est, à 18h50, Elsa est appelée à se présenter devant les membres du jury californien. Elle est la première candidate à tenter de conquérir Los Angeles. Je vais appeler la première candidate, s'il vous plaît. C'est parti pour le cours, c'est parti, on devient chaud, oh. Il faut simplement être dans le tempo. C'est rythmique dans la peau, c'est ce qu'il faut pour ce show, oh. Oh, je veux vous entendre crier bien haut. La musique, c'est ce qu'il faut pour frissonner les go, oh. Oh, je veux... Je vous remercie, mademoiselle. C'est pas de votre faute, mais vous m'avez rappelé un copain à moi quand il est bourré, il chante comme vous. Je suis désolé, non, mais bon. Deuxièmement, je vais te dire autre chose, écoute-moi bien. Deuxièmement, là je te tutoie pour juste qu'on soit à égalité. Deuxièmement, parce que tu fous notre gueule. Deuxièmement, quand on fait ce métier de la chanson, justement, si tu trouves que c'est nul, il faut proposer, il faut pas venir avec une connerie. T'as un plan B dans ta vie? Oh là. En 18 secondes, très précisément, Jean-Claude vient d'assister à la fin de son rêve californien. Et accessoirement à celui d'Elsa. Dans la bagnole, sur Sunset Boulevard, enfin sur la bretelle d'autoroute à Saint-Pierre-des-Corps au coucher du soleil, Jean-Claude n'a pas dit un mot. Il a préféré mettre la musique à fond pour montrer à cet imbécile d'Elsa ce qu'est une vraie chanteuse, quand bien même on ne comprend rien à ce qu'elle dit. C'est sexy, le ciel. C'est ainsi que depuis 5 jours, Jean-Claude déprime totalement à la maison. Il fait désormais partie des anges déchus de Los Angeles sans y avoir posé les pieds, dis donc. Adieu les feux de la rampe à Hollywood, adieu le shopping chez Fred Segal sur Melrose, adieu les dîners au Château Marmont, adieu la Californie et sa plage de Malibu où l'on se dort près de la mer et où l'on ne connaît pas l'été de la mer. Une frontière ton temps. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la ville. La Californie, la Californie, la Californie, la Californie. Près des orangers, c'est là que t'attends. Au fond de tes rêves, ton prince charmant. La Californie, encensée par Julien Clerc en 1969, un tube de qualité calibré par Roda Gil et que Caline Cali à Califourchon. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre joyeux périple sur la côte ouest des États-Unis. Du gouverneur Schwarzenegger au petit perroquet délateur, de la Playboy Mansion au Sunset Boulevard et de la cérémonie des Oscars à Paris Hilton serré par de Lascar, nous t'avons dressé un panorama forcément incomplet et quelque peu subjectif de ce que peut être la Californie d'aujourd'hui. Pour finir, un constat. Nous nous sommes aperçus en préparant cette émission qu'en réalité, la France et la Californie ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. En effet, chez eux, c'est Sean Penn qui te remet un Oscar. Mais chez nous, c'est pareil. C'est Danny Boone qui te remet ton César. Chez eux, c'est le magnifique 50 Cent qui rappe. Mais chez nous, c'est pareil. C'est le doc gynéco qui dérape. Chez eux, le gouverneur, c'est un acteur, mais chez nous aussi. Chez eux, ils ont la tombe de Joe Dassin à Los Angeles. Mais chez nous, tu peux entendre siffler sur la colline du Père Lachaise l'esprit d'un ténébreux Californien. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate. C'était Jim Morrison, un bout en train. Voilà, fin du 88e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi la Californie, revue et corrigée par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure. Total Footrack et archi loufoque bien sûr. Panique au Manche à Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise. Avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement, merci à toi monsieur Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Ludovic Aslo et de Yann Bouillot, merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Olivier Ferry, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guyot, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Manche à Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain en direct à 11h sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de ne rien dire. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal.